Vous n'en vouliez pas, et pourtant c'est la radio Boncon. Confinement, épisode 2. La sirène hurlante de l'ambulance fonçant dans ce quartier tranquille des Hauts de Villeneuve a précipité tous les habitants du lotissement aux fenêtres des pavillons huppés. Il y aurait un mort, un cadavre retrouvé et contaminé dans ce quartier. Quelqu'un n'aurait pas respecté les mesures de confinement garantes de la santé des habitants. Et chacun de suivre des yeux la direction de la sirène hurlante en espérant, en priant qu'elle ne s'arrêterait pas là, juste à côté du domicile, chez son voisin, porteur de ce virus malsain. Et chacun de respirer quand le véhicule fou, plus loin au fond de l'allée, s'en est allé chez Monsieur X. Les infirmiers, en tenue de plongée, faute de masques et de combinaisons de papier, ont enfilé masques et tubas pour respirer, vêtements caoutchoutés pour n'être point contaminés. Ils entrent prudemment, comme indiqué dans le livret sécurité. Un par un, en se donnant la main gantée pour éviter de toucher un meuble, une poignée. Monsieur X, effondré sur le sol, croyant voir dans son cirage des cambrioleurs, des malfrats, des personnages d'un autre âge, agrippe le premier infirmier en criant au malheur. Celui-ci, paniqué d'être touché en dehors de toute règle de sécurité indiquée dans le carnet, balance un coup de coude dans le ventre de l'imprudent, ce qui provoque, c'était inévitable, une gerbe sur le masque. Notre bourgeois râle et se fait insulter. Les infirmiers ne veulent plus l'accompagner, il n'a qu'à se démerder. Il supplie, c'est la peur de voir disparaître ses valeurs qu'il a crié au voleur. Pour être sûr de ne pas être abandonné, il se met à ramper vers le véhicule stationné. Dans ces conditions, acceptent les infirmiers scaphandriers qui le suivent à coups de pied pour l'aider à descendre l'escalier du perron et monter dans l'ambulance de fonction. Ces soignants auront pris soin, c'est important pour la suite de l'histoire, de prélever quelques échantillons granuleux sur le masque avant de jeter sur le pauvre homme une couverture de survie en guise de soins intensifs. La sirène hurlante démarre en trombe, repasse devant les villas, où chacun à l'abri de sa fenêtre signe de sa croix et sourit d'aise à l'idée d'y avoir échappé. L'hôpital d'Avignon est bondé. La foule est massée devant la porte d'entrée. Une pancarte indique clairement la distance à respecter entre chaque patient dûment patenté par les services de santé. 1,50 m minimum, et pour le vérifier, il suffit, c'est expliqué sur le panneau, d'écarter les bras. Vous devez alors toucher du bout des doigts les doigts de celui de devant et les doigts de celui de derrière. Pour plus de sûreté, la direction de l'établissement, ils en ont des idées là-dedans, a disposé en bande distante d'1,50 m du scotch brun assez économique sur le tarmac de l'hôpital. Les gens ne sont pas raisonnables. Au lieu d'étirer la file sur les 2 km que nécessiteraient les distances de sécurité, les voilà massés à se toucher, à tousser forcément sans les masques que l'on attend de Chine, paraît-il, à se bousculer même pour entrer le premier. Voici nos infirmiers et le bourgeois agonisant qui se présente à leur tour derrière la foule compacte. Devant leur accoutrement et la tête du patient, les gens se reculent prudemment. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Ils sont certes passés, mais derrière la porte du grand hôpital règne un silence de mort. L'accueil des urgences, les autres services ont été fermés depuis la dernière réforme, est tenu par des hommes en armes qui ont pour mission de repousser manu militari tous ceux qui paraissent en bonne santé. Ils n'ont pas l'air de plaisanter. Sur les sièges d'attente sur le côté, on voit des femmes et des hommes qui visiblement n'ont pas été acceptés et un peu bousculés pour les faire reculer. C'est pas beau à voir. Certains saignent du nez, d'autres ont le bras cassé, un vieux n'arrive plus à se relever. Monsieur X a peur en voyant ses visages tuméfiés. L'infirmier de droite le rassure, vu son allure de mort-vivant, il a toutes ses chances de réussir le test brillamment. Quand le militaire s'approche et lui demande « Combien de doigts ?» en montrant son poing au niveau de la figure, le bourgeois panique et se dit « Une bonne réponse et je serai jugé en bonne santé, une mauvaise, la brute pensera que je le fais exprès. » Dans un gargouillement quasi inaudible, M. X lui dit « Ça dépend. » « Ça dépend de quoi ?» hurle le soldat en faisant craquer ses doigts. M. X ne sait plus. Il sent qu'il va se faire sur lui. Il ne raisonne plus. Sa tête est vide. Son regard au loin sur les visages tuméfiés, dans un râle, il imagine déjà la fin. Articule faiblement d'une voix presque morte. Ça dépend du nombre de doigts. Ah là ouais, il est atteint, confirme le gradé à l'infirmier. Le bourgeois se considère à partir de ce moment comme un miraculé. Sans doute son éducation a joué. Il a toujours eu les cartes en main et maîtrisé son destin, quitte à piétiner son prochain. C'est certain, il est l'élu, lui le parvenu. Quand d'autres attendent à la grille, le voilà à la porte du médecin. Un lit, bien sûr, et le matin, vous préférez être servi par une grande blonde, une petite rousse, une brunette aux yeux verts. Les croissants, vous les préférez un peu tièdes avec votre jus d'orange pressé? Le café, plutôt arabica du Brésil, du Nicaragua ou du Pérou? Monsieur X a un doute, en regardant tour à tour les deux scaphandriers. Il a dit une connerie en demandant un lit? Oui, il a dit une connerie. Des lits pour les malades, il n'y en avait plus. Ils étaient dorénavant réservés au personnel soignant. Pour plus d'efficacité, ces derniers étaient invités à dormir sur place et le parking souterrain du grand hôpital avait été organisé en dortoirs séparés. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre côté. Cette mesure avait permis également d'accroître considérablement la capacité d'accueil des clients. Là où il était possible de rentrer 2 lits dans une chambre, 10 fauteuils rentraient largement. Tout le monde était gagnant. Des économies substantielles avaient été ainsi réalisées. Une partie du salaire du personnel hospitalier couvrait les frais de leur logement. Les chambres ne nécessitaient plus le même entretien. Pas de draps à changer, les couches et les repas à la charge du client. Les malades atteints gravement bénéficiaient toutefois de fauteuils basculants. Notre bourgeois se plaint de rester sur un brancard usagé. Il ne restera pas sur le brancard usagé récupéré pour d'autres soins infirmiers. Il le bascule par terre, dans le couloir, entre la porte du cabinet AVC et celle du cabinet à docteur. Le docteur est fatigué. Il sent l'alcool et le tabac à plein nez. Il ne s'est pas rasé, il a la goutte au nez, sa blouse est tachée, les lunettes cassées et tient dans sa main un échantillon du vomi produit par Monsieur X. « Vous vouliez en finir avec la vie, vous aussi ?» Monsieur X ne comprend pas. Il a froid. Couché sur ce carrelage d'hôpital, il voudrait être au chaud sur son canapé à regarder la télé qui compte les morts loin de chez lui. Les morceaux de viande retrouvés ont une texture qui rappelle celle du lapin, mais j'ai trouvé dans la chair mort au rat et croquettes de chat. « C'est de la vache », balbutie notre bourgeois. Et pourtant c'est la radio Bon Coin.